Maintenant, avec regret, je dois le laisser partir, car j'ai beaucoup abusé de lui. Mais il m'a dit que ce n'était pas grave et qu'il était disposé à revenir voyager avec nous dans le train de la musique. À n'importe quel moment, on n'aura qu'à lui faire signe. Ah, ça c'est agréable à entendre. Hein? Il a même mentionné que l'ambiance était agréable. Imaginez-vous ça, hein? Donc, nous lui disons un grand merci et à bientôt, Joe, à bientôt. Pour continuer avec nous dans le train de la musique, nous avons une chanteuse qui, elle aussi, se passe d'introduction. Nous voulons parler de notre amie Mireille Mathieu. Juste en prononçant son nom, nous retenons l'attention de tout un chacun, n'est-ce pas? Oui, Mireille, notre chère Mireille, est connue de tout le monde par ses multiples interprétations, tant en France qu'ailleurs. Et ce soir, nous allons lui demander de nous faire le plaisir de nous chanter une de ses plus belles compositions qui s'intitule Une femme amoureuse, car elle est une femme amoureuse. Vas-y Mireille, nous t'écoutons. Court comme un fou aujourd'hui, voilà qui Mireille, tu vas continuer, car une seule chanson n'est pas de mise ce soir à ce programme. Tu devras nous interpréter ta mélodie qui fait rêver et que nous tous connaissons et qui s'intitule « On ne se quitte pas sans se dire adieu ». Je le sais. Je sais tout ce qui allait se passer, allez. Ton père et tout ce qu'il a pu te dire. Tes études à finir. Ton service. Ton avenir. Et puis cette fille n'est pas pour toi. Aujourd'hui, tu es heureux. Tout est bien qui finit bien, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai pu t'aimer, toi? J'avais 16 ans. 16 ans. On ne vit pas. Mes chers amis, notre train est arrivé enfin à destination et nous devons nous quitter avec beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets, beaucoup de peine et beaucoup d'amertume. Mais Je vous demanderai de réserver votre billet pour le voyage de la semaine prochaine. Car tous les dimanches soirs, de 8h à 9h, nous serons avec vous pour parcourir le temps, en vous faisant écouter les plus belles mélodies, les plus belles chansons françaises. Donc, nous vous disons bon dimanche, bonne semaine et bonsoir.